Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grandes articulations. Le gouvernement burundais affirme que la fixation des prix des denrées de première nécessité est une demande des agriculteurs. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions indique que la production de certains produits augmente progressivement. Et le ministère de la Santé publique constate une variation des prix des médicaments dans différentes pharmacies. Le porte-parole de ce ministère espère que la mise en place de tous les organes de la BREMA pourra trouver solution à ce problème. Et la chronique nutrition de ce dimanche sera centré sur les vertus de la Plectranthus barbatus dit Igichunchu. Voilà pour les titres et bienvenue pour les détails. Elika Togo assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais tantôt, les prix de certains produits agricoles ont été fixés sur demande des agriculteurs et sur base des exigences de ces cultures jusqu'à la récolte. Explication du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. Et c'est après avoir constaté que les prix de ces produits restent élevés sur le marché. Le ministre Deogi Derurema espère que bientôt l'on va procéder à l'exportation, expliquant que la production de certains produits s'élève progressivement. Suivez plutôt le ministre Deogi Derurema. Il est traduit en français par Charles Makoto. Vous savez bien que pendant la période de récolte, la production est suffisante, car les agriculteurs ont répondu à l'appel que nous leur avons lancé sur la croissance de la production agricole. C'est pour avoir une production qui peut nous servir à la consommation et en excédent à écouler au marché intérieur et extérieur. Ça, on n'en doute plus et on ne peine plus. La population a accompli ce projet et c'est pourquoi la production agricole s'est nettement élevée sur le maïs et l'oignon. La récolte du haricot est excédentaire. Regardez les champs rizicoles. La production augmente progressivement chez la pomme de terre ainsi que d'autres cultures. On a commencé par le maïs. Les agriculteurs nous ont confié que pendant la période de récolte maïsicole, les commerçants achetaient le maïs à 300 francs burundais le kilogramme, au plus 400 francs burundais. Ils ont dit même qu'avec la perte à la croissance de la production agricole, la récolte allait devenir un problème. C'est ce qui nous a motivés au niveau de l'État de sortir cette ordonnance ministérielle conjointe sur la gestion des récoltes agricoles. Nous avons été sur terrain comme des techniciens et on a demandé les moyens engagés par l'agriculteur pour avoir un kilogramme de maïs. On a trouvé que c'est 530 francs burundais. Considérant les intrants agricoles, les efforts fournis, les produits phytosanitaires et le sarclage et consorts. C'est pourquoi on a décidé de fixer le prix d'un kilogramme à 680 francs burundais afin que l'agriculteur puisse gagner. La population s'est tellement réjouie de cette mesure. Les agriculteurs ont aussi réclamé la fixation des prix pour d'autres produits agricoles afin d'avoir la force d'accroître la production. Même le gouvernement va en bénéficier car avant, l'on prévoyait que les devises sont générées par le café et le thé, mais bientôt, c'est le riz et le maïs. Mais bientôt, le riz et le maïs s'ajouteront sur les produits d'exportation et seront exportés en grande quantité pour se procurer des devises. Les gens se rendront compte que notre pays est comme un pays européen qui est développé. Santé à présent, le ministère de la Santé publique reconnaît la variation des prix des médicaments aux pharmacies de gros, de même que celle de détail en dépit de la loi régissant la profession de la pharmacie. Le porte-parole de ce ministère trouve que la mise en place de tous les organes de l'autorité burundaise de régulation des médicaments et aliments à Brema pourra réglementer les prix de ces médicaments. Suivez Dr Jean Bosco Girikshaka et le porte-parole du ministère de la Santé publique. Nous le savons, ce n'est pas aujourd'hui, ça date de plusieurs années qu'il y a des variations de prix au niveau des pharmacies de détail. Raison pour laquelle le gouvernement s'est saisi de la question. Et dans la loi numéro 1/11 du 8 mai 2020 portant réglementation de l'exercice de la pharmacie, il est prévu que pour les grossistes, ils ne doivent pas mettre un intérêt dépassant 25% par rapport au prix d'importation du médicament. Et pour les pharmacies de détail, ne peuvent pas mettre plus de 15%. par rapport à son prix d'achat du pharmacie d'Ocron. Et pour dire qu'au prix d'achat au niveau du pharmacie de détail, la marge bénéficiaire ne doit pas dépasser 40% du prix d'importation de ce médicament. Le gouvernement est conscient et c'est pour cette raison qu'il y a cet article au niveau de cette loi pour contraindre donc les spéculateurs. Et il y a même des sanctions qui sont prévues dans cette loi. Il y a des organes qui sont prévus. Certains sont déjà mis en place et d'autres le sont en cours. Et c'est notamment l'APREMAN, l'Autorité burundaise de régulation des médicaments, qui est une institution qui va donc réglementer tout ce qui est en rapport avec le médicament. Mais cette institution, pour mieux fonctionner, doit avoir aussi un conseil d'administration qui est en cours. Nous espérons qu'avant la fin de cette année et que la loi va être appliquée dans tous ses aspects, dans le même souci d'avoir les médicaments à des prix très bas et très raisonnables, le gouvernement a autorisé à la Camebou de pouvoir importer tous les médicaments nécessaires au pays. Avant, la Camebou avait seulement un mandat d'acheter les médicaments génériques et les médicaments essentiels. Mais aujourd'hui, elle a les prérogatives de pouvoir aussi s'approvisionner en médicaments spécialités. Étant une institution étatique, cela va aider énormément puisque la Camebou va approvisionner même les grossistes. Ça va énormément aider au niveau de la régulation de ces prix et aussi à la diminution des coûts des médicaments. Isanganiro. À 13h03 et poursuivons cette édition, le service diplomatique est régi par des textes légaux lacunaires. Cela ressort de la présentation du projet de loi portant organisation du service diplomatique lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Par conséquent, le secrétaire général de l'État déplore cette situation qui handicape la gestion claire de ce service. Cependant, Prosper Nhaugwami affirme que le projet de loi vient remblayer ces lacunes. On l'écoute. Projet de loi portant organisation du service diplomatique. Ce projet a été présenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement. La Constitution de la République du Burundi prévoit en son article 164 alinéa 3 que l'organisation du service diplomatique et consulaire est du domaine de la loi. Il sied cependant de constater que le service diplomatique est jusqu'à présent régi par des décrets, des ordonnances et des notes de service épars et lacunaires. Cette situation ne favorise pas une gestion claire du service diplomatique et de la carrière des fonctionnaires au service diplomatique. Le présent projet vient se conformer à la Constitution et combler ses lacunes. Il vient garantir le développement d'une carrière diplomatique conforme aux principes d'efficacité, de stabilité, de transparence, de continuité et de mobilité. Ce projet a été élaboré après l'adoption par le gouvernement du document de politique étrangère du Burundi. Et trois petits lacs sont nés en commune Rugombo il y a 2 ans. Ces petits lacs ont permis à la population environnante de pratiquer la pisciculture. À part cela, ces petits lacs ont favorisé l'irrigation des champs pendant la saison sèche. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement dans la province de Cibitoke demande à la population environnante de ne pas construire des maisons tout autour de ces lacs, n'est-ce pas, Alexis Ndairagidj? Ces trois petits nouveaux lacs se trouvent entre la 9e et la 10e transversale Cibitoke en commune Rugombo, près du chef-lieu de la province Cibitoke. Les habitants de ces localités indiquent que ces petits lacs sont nés il y a 2 ans avec les pluies abondantes qui sont tombées dans les localités. D'autres indiquent que la nappe phréatique se trouve seulement à 2 mètres. Depuis la naissance de ces trois lacs, certaines personnes y ont commencé l'élevage des poissons. À part cela, ces lacs ont permis l'irrigation des champs de riz, des choux et des légumes qui nous ne se faisait pas pendant la saison sèche. Sur le lac se trouvant à côté de la route pavée, sur la 9e 32 salles, certaines personnes y ont commencé à installer les maisons tout autour de ce lac. Sur le lac se trouvant à côté de la route pavée, sur la 9e 32 salles, certaines personnes ont commencé à installer les maisons tout autour de ce lac. Le responsable de l'Office burundais pour la protection de l'environnement en province de Cibitoke conseille à la population de ne pas continuer à ériger des maisons tout autour de ce lac. Il signale déclare que les anciens habitants de cette localité ont déménagé suite aux eaux de ce lac, en affirmant que des conséquences néfastes peuvent surgir aux propriétaires de ces maisons. En commune Lugombo, ces trois lacs s'ajoutent aux lacs Dogodogo et Nyamuziba pour le moment. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Ndairagije. Sport à présent, finale de l'Euro 2020 ce dimanche à Wembley en Angleterre à 21h entre l'Italie et l'Angleterre. La reine Elisabeth II a tenu à faire passer un message d'encouragement à l'équipe d'Angleterre sous d'autres cieux en Amérique latine. C'est l'Argentine qui est sacrée de Copa América de cette année après avoir battu en finale le Brésil sur le score d'un but à zéro. Et va rester Ndiko Banyanga revient sur cette actualité sportive. Dans la finale de l'Euro 2021 de football qui se joue ce dimanche soir à Wembley, l'Angleterre part très légèrement favorite à domicile à Londres face à l'Italie qui aura impressionné pendant presque toute la compétition. En demi-finale, l'Italie avait obtenu mardi dernier le premier billet pour la finale de l'Euro 2021 en venant à bout de l'Espagne à l'issue des matchs à suspense, un but partout et 4-2 au tir de but. Mercredi, l'Angleterre avait dominé le Danemark sur le score de 2-1 après prolongation. Les quadruples champions du monde ne connaissent pas la même réussite dans cette compétition qu'ils ont remportée qu'une fois en 1968 à domicile face à la Yougoslavie. Les Italiens ont en revanche joué deux finales, toutes deux perdues en 2000 et 2012. La première face à la France 2-1, la seconde plus sèchement face à l'Espagne 4-0. Pour la première fois depuis 55 ans, les trois Lions se sont pour la finale d'un grand tournoi. Enfin, débarrassés de leur éternelle et encombrante étiquette de loser, les Anglais rêvent d'un deuxième titre après celui de la Coupe du Monde de 1966. La reine Elisabeth II a tenu à faire passer un message d'encouragement à l'équipe d'Angleterre. La finale de la Copa América a eu lieu dans la matinée de ce dimanche à Maracana au Brésil et c'est l'Argentine de Lionel Messi qui est sacrée de la Copa América édition 2021 après avoir battu le Brésil de Neymar Junior sur le score d'un but à zéro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La Plectranthus barbatus dit Igichunchu est une plante médicinale qui prévient différentes maladies comme l'hypertension artérielle, les maladies des yeux et celles de l'estomac. Le chercheur nutritionniste Gilbert Nangwahafi explique que cette plante ne peut pas être accompagnée avec d'autres médicaments, de même qu'une femme allaitante n'est pas autorisée à la consommer. La chronique nutrition avec Jean-Marie Mayonga. Plectranthus barbatus est une plante qui possède une grande importance dans la prévention de certaines maladies comme l'hypertension. Concernant ses propriétés médicinales, c'est un anti-inflammatoire, antiplaquetaire, c'est un immunostimulant, c'est un bronchodilatateur aussi, antidépresseur, cardiotonique. Concernant ses bénéfices sur la santé humaine, cette plante traite la gastrite, la choropathie fonctionnelle, traite la bronchite, l'angine, l'hypertension artérielle, l'hypotension artérielle, traite les inflammations, traite les préopsies et les convulsions, traite les préopsies et les convulsions, traite les troubles digestifs, respiratoires, circulatoires, traite aussi les infections et agit sur le système nerveux. Toutefois, cette plante médicinale ne peut pas être associée à d'autres médicaments, entre autres ceux des diabétiques. Comme précaution, ne pas prendre cette plante si on est sur le traitement de ces maladies suivantes: diabète, hypertension artérielle, asthme, glaucome, maladie cardiaque, maladie de la glande thyroïde, personne prenant des anticoagulants, des antiplaquetaires, les antihistaminiques, les antidépresseurs, car ça peut provoquer des réactions d'interaction. Gilbert Nangwahafi explique que toute femme enceinte, comme celle allaitante, ne devrait pas consommer cette plante. Il faut demander toujours l'avis du médecin. Pour prendre cette plante, on est sur le seul traitement. Ne pas prendre aussi cette plante si on est une femme enceinte ou allaitante. Il précise que ces feuilles sont prises comme des médicaments. Le Plectranthus barbatus trouve son origine en Afrique. Il est utilisé en médecine traditionnelle et en nutrition. Il pousse également au Burundi. Merci Jean-Marie Mayonga et au nutritionniste Gilbert Nangwahafi. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à Elika Dogo pour la mise en onde. Passez une excellente après-midi. Au revoir.